des yeux noirs, des yeux de jour profond, où je largue les amas qui me tirent au fond. Julia longe les trottoirs, des enseignes au néon glissent chaque soir, la pluie sur les gens, et je la cherche, je la cherche. Pierre aux clients, elle rêvasse dans le soir à ce type charmant qui n'a pas su la voir quand il était en je la cherche, je la cherche, je la cherche. Julia, je l'ai perdu en hiver, d'où partent des ferries en Angleterre. Julia écrit de temps en temps entre deux bras de mer où le ciel se confond avec la terre, et je la cherche.